نواصل في قراءتنا في هذه الرسالة النافعة العظيمة، رسالة أو رسالة الشيخ صالح ابن محمد العثيمين. Donc inchallah on continue notre lecture dans l'introduction de ce court fascicule qu'a écrit ou rédigé le noble savant Cheikh Saleh Al-Uthaymeen. Donc comme on a dit, c'est une risala qui porte sur la aqida, sur la croyance, le dogme. نعم. فهي عبارة عن شرح لمعنى الحقيقي لشهادة أن لا إله إلا الله. Et en vérité, c'est une explication un peu plus simple du sens réel de la shahada. Allah ilaha illallah. Ha'indak ya akhana. Khalfak. Ya Aba Abdillah. Akhana. As-su'al. Indak. J'ai une question pour toi. Taïb. Quel est le sens de la shahada? La ilaha illallah. Ma ma'na la ilaha illallah? La ma'boud bi haqqin illallah. Ahsant. La yidharruk. La ma'bouda bi haqqin illallah. Il n'y a pas de divinité digne d'être adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. Non. وفي أثناء هذا الكتاب وهذه الرسالة يعني الشيخ العثيمين سيشرح لنا معتقد أهل السنة والجماعة. نعم. تفضل. طيب نعود في مقدمة الشيخ العثيمين ما قرأناها أمس. طيب قال عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم النبيين، وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدًا بالهدى عليه الصلاة والسلام، بالهدى ودين الحق، رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين. Donc Cheikh Al-Uthaymeen, il commence dans son introduction après avoir fait l'éloge d'Allah Azza wa Jal, bima huwa ahlu. Il commence par évoquer l'immense bienfait qu'Allah a accordé à cette communauté. Tafadhal. Qu'Allah a accordé à cette communauté en envoyant le prophète Mohammed. Donc il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète alayhi salatu wa salam Muhammad avec la guidée et la religion de vérité, et ceci en guise de miséricorde pour les mondes, pour l'univers, et de guider pour les personnes qui veulent œuvrer, et en guise كذلك de hujja, en guise de preuve contre la totalité des serviteurs. ثم قال بين به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم. Et Allah subhanahu wa ta'ala a éclairci de par la venue du prophète alayhi salatu wa salam et de par la révélation du Coran qui lui a été faite. Allah subhanahu wa ta'ala a éclairci toutes choses utiles à savoir pour leur droiture et pour l'amélioration de leur situation dans ce bas monde et dans l'au-delà. فَكُلُّ شَيْءٍ مما هو نافع للعباد في دنياهم وأخراهم مذكور في القرآن والسنة. Donc sachez que toute chose qui est utile et bon pour l'être humain dans ce bas monde et dans l'au-delà est mentionnée dans le Coran Al-Karim, soit d'une manière détaillée ou soit d'une manière abstraite ou globale. نعم. قال ومن العقائد الصحيحة ومن العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية. نعم. Et parmi les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué à travers son prophète alayhi salatu wa salam, la croyance authentique, la croyance authentique ainsi que les œuvres les plus droites, les œuvres les plus droites et les plus nobles des comportements, les plus nobles et les plus élevés des comportements. Tout cela a été clairement expliqué à travers le prophète alayhi salatu wa salam. فترك صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Et donc le prophète عليه الصلاة والسلام, il a laissé sa communauté, c'est-à-dire le prophète, il n'est pas mort sans qu'il ait laissé sa communauté sur une droiture, sur une voie droite, claire, et ne s'égare de cette voie-là qu'une personne qui court à sa perte. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الهدي هديو خير الهدي هديو. La meilleure des guidées n'est autre que la guidée du prophète. نعم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. Et les pires des affaires, les pires des œuvres sont les nouveautés dans la religion. Et toute nouveauté dans la religion est un égarement, et tout égarement mène au feu de l'enfer. Ayyadan billah, et qu'Allah nous en préserve. Non. Donc le prophète, alayhi salatu wa salam, il nous a laissé sur une voie droite, comme l'évoque Cheikh Al-Uthaymeen. Fasara ala dhalika ummatahu alladhina istajabu lillahi wa rasulihi wa hum khiratul khalq من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان. Et donc, après le prophète alayhi salatu wa salam, après la mort du prophète alayhi salatu wa salam, ses compagnons et ceux qui les ont suivis dans le bien n'ont eu de cesse de suivre cette voie claire que le prophète alayhi salatu wa salam a laissée. فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وعضوا عليها بالنواجذ عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا. Et donc ces gens, parmi les compagnons et ceux qui les ont suivis dans le bien, qui n'ont eu de cesse, comme on l'a dit, de cheminer sur la voie du prophète عليه الصلاة والسلام, la voie claire qu'il a laissée, ils se sont accrochés fermement aux enseignements et aux préceptes du prophète alayhi salatu wasalam, que ce soit en termes de croyance, que ce soit en termes d'adoration et que ce soit en termes de comportement. Fasaru hum at-ta'ifa alladhina la yazaluna 'ala al-haqqi dhahirin la yadhurruhum man khadhalahum aw khalafahum hatta ya'ti amru Allah ta'ala wa hum ala dhalik. Et les voilà devenus, ces gens-là, les représentants du groupe. Les représentants du groupe sauvé. Ceux dont le prophète, alayhi salatu wa salam, a fait l'éloge. En disant, la tazalu fi ummati ta'ifatun ala al-haqi zahirin mansourin. Lorsque le prophète, alayhi salam, il dit, il y aura dans mon communauté un groupe qui ne cessera de persister. Un groupe qui ne cessera de persister. Et qui restera toujours apparent et secouru par Allah Azza wa Jalla. Ni leur fera du tort les gens qui les trahiront, ni ceux qui les contrediront. Et ce groupe-là n'est autre que les partisans de la sunna. Les partisans de la sunna et du hadith. Ahlul ilmi. Wal aqd. Naam. طيب ثم قال ونحن ولله الحمد على آثارهم سائرون وبسيرتهم المؤيدة بالكتاب والسنة مهتدون. Et donc le cheikh Al-Uthaymeen dit, et nous, c'est-à-dire quand il dit nous, il parle de lui-même. Tamam. Et il dit, nous sommes sur leur trace. Nous sommes sur la trace de ces compagnons-là. Cette trace qui est appuyée par le kitab, par le Coran et par la sunna. نقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى وبيانا لما يجب أن يكون عليه كل مؤمن. Et là, Cheikh Al-Uthaymeen, il précise et il dit qu'il évoque cela, c'est-à-dire il évoque le fait qu'il soit sur la sunna, pour en vérité évoquer et glorifier le bienfait d'Allah Azza wa Jal sur lui. Donc là, c'est comme s'il veut te dire, le shir, qu'il ne te dit pas que il est sur la sunna, il est sur le minhaj des salaf, des pieux prédécesseurs. Il te dit cette parole-là par orgueil ou vantardise. Non. Lui, il n'a rien à faire avec ça. Lui, il te dit ça, justement, juste pour te... pour remercier Allah Azza wa Jal. Pour remercier Allah Azza wa Jal sur le bienfait qu'il lui a accordé. Parce qu'il n'y a pas un meilleur bienfait que la guider hier. Quoi. Il n'y a pas un meilleur bienfait que la guider. Il n'y a pas un meilleur bienfait que le fait de connaître la sunna. Le fait de connaître la sunna et de s'y accrocher. Donc c'est pourquoi le Cheikh Al-Uthaymeen évoque cela hahuna. ثم قال ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يهب لنا منه رحمة إنه الوهاب. Et ensuite Cheikh Al-Uthaymeen il invoque Allah Azza wa Jal en demandant qu'Allah le raffermisse, lui ainsi que ses frères les musulmans, par la parole ferme dans la vie d'ici-bas, ainsi que dans l'au-delà. Et qu'il lui accorde une miséricorde de sa part, car c'est lui le grand donateur. وَلِأَهَمِّيَّةِ هَذَا الْمَوْضُوعِ وَتَفَرُّقْ أَهْوَاءِ الْخَلْقِ فِيهِ أَحْبَبْتُ أَنْ أَكْتُبَ عَلَى سَبِيلِ الْاِخْتِصَارِ عَقِيدَتَنَا. Et donc il dit, pour conclure et terminer son introduction, il dit, en vue de l'importance du sujet et des grandes divisions au sein de la communauté et au sein des habitants de la terre, les grandes divisions au sujet de la croyance, j'ai aimé écrire un fascicule, un livre qui résumera notre croyance. Donc là, encore une fois, on insiste sur le fait que c'est un écrit de Cheikh Al-Uthaymeen. Ce n'est pas un regroupement de ces muhadara ou d'une muhadara ou d'un khutbah. Et comme on l'a dit, le fait qu'il ait écrit cette risala, c'est encore plus fort de sens. C'est encore plus fort de sens car l'écrivain, lorsqu'il écrit ou lorsqu'il rédige, il a en général une meilleure manière de s'exprimer et Mada, il a une meilleure concentration. Naam. Tadam. Naam. ثم قال أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره سائلا الله عز وجل أن يجعل ذلك خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده نعم ثم قال عقيدتنا عقيدتنا الإيمان donc là on rentre dans le vif du sujet قال عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره donc notre croyance, la croyance que se doit d'avoir tout un chacun parmi les musulmans, de croire tout d'abord en Allah Azza wa Jal. De croire tout d'abord en Allah Azza wa Jal. Ainsi qu'en ses anges, en ses livres, tous les livres qu'il a fait descendre. Na'am. Qui peut nous citer les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre? A'indak ya Bilal. Les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre. Il y a la Torah. La Torah, elle a été écrite hein? Al-alwah التي حصل عليها موسى مكتوبة. تفضل. Al-alwah التي حصل عليها موسى مكتوبة. أليس كذلك؟ بلى. نعم فمن كتبها il y en a qui donnent la réponse يعني من à l'intérieur de leur barbe d'une voix très خفيف ها بلال la Torah طيب الانجيل ouais l'évangile نعم la Torah والانجيل والقرآن فقط ها محمد احسنت t'en as déjà dit 3 c'est pas mal nous on en veut 5 hey, les feuillets d'Abraham صحف ابراهيم وكذلك الزبور les psaumes de David نعم ça c'est les livres qu'on connaît. طيب pour la réponse يا محمد الله سبحانه وتعالى هو الذي كتب التوراة بيده فتكلم به تكلم بها وكتبها بيده الله il a écrit la Torah de ses propres mains ou de sa propre main نعم نعم donc nous on se doit de croire au livre divin ainsi qu'aux anges et aux messagers. Wa kam kanat ar-rusul? Ha, indak ya ba'dil. Sab'amiya? Ha, raja. Et le nombre des messagers, ya ikhwan. Le nombre des messagers. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé aux gens de la terre était de combien? 123 000 124 000 hein? Là, on parle des messagers. Ahsan. Le hadith, il est sahih. Et le hadith. أولهم قدرا وفضلا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم موسى نعم عيسى ونوح تمام نعم فنحن on croit en tous les prophètes et les messagers qui nous ont été ou dont les informations nous sont parvenues dans le Coran ou dans la Sunna. Non. Et aussi on croit au jour du jugement dernier ainsi qu'au destin qu'il soit bon ou mauvais. قال فنؤمن بربوبية الله تعالى أي بأن الله أو أي بأنه الرب الخالق المالك الملك المدبر لجميع الأمور. Et nous on croit, c'est-à-dire Cheikh Al-Uthaymeen dit, et on croit en la seigneurie d'Allah Azza wa Jalla, c'est-à-dire le fait de reconnaître et d'avoir la ferme conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala est lui le créateur seul, l'unique créateur, le souverain, celui qui dirige toutes les affaires, celui qui dirige toutes les affaires. Wa nu'minu bi uluhiyyati Allah ta'ala ay bi annahu al-ilah al-haq wa kullu ma'budin siwahu batilun. Et on croit, on a la ferme conviction également en la divinité d'Allah Azza wa Jalla, c'est-à-dire on croit fermement qu'il est la divinité réelle qui mérite d'être adorée et que toutes les autres divinités en dehors de lui sont fausses, sont fausses et vaines. Wa nu'minu bi asma'ihi wa sifatihi ay bi annahu له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. Et nous croyons aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala possède les plus beaux noms et les meilleurs des attributs. Il possède les plus beaux noms et les meilleurs des attributs. ونؤمن بوحدانيته في ذلك أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. قال الله عز وجل. Et nous croyons aussi en l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans toutes ces choses précédemment citées, c'est-à-dire dans sa seigneurie, il est unique, dans sa divinité, il est unique, et dans ses noms et, sa, et, dans ses, noms et ses attributs, il est unique. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit fi kitabihi al-karim rabbu as-samawati wal-ardi wa ma baynahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi هل تعلم له سميا. Le Seigneur des cieux et de la terre et de ceux qui se trouvent entre. Adore-le donc et sois constant dans son adoration. Est-ce que tu lui connais un égal? Est-ce que tu lui connais un égal? ثم قال ونؤمن بأنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Il dit, et on croit que, on a la ferme conviction qu'Allah, il n'y a nulle divinité en dehors de lui. C'est lui le vivant, celui qui subsiste par lui-même. il n'est jamais pris par une quelconque somnolence ou par le sommeil. À lui appartient ce qui se trouve dans les cieux et dans la terre. Qui pourrait intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît ce qu'il y a. Il connaît ce qu'il y a devant et derrière eux. Et personne ne peut le cerner de par sa science. Et personne ne peut le cerner, ou personne ne peut cerner une chose de sa science. À l'exception de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. نعم. وهذه الآية كيف يسمى؟ آية الكرسي. طيب. ما هو أعظم آية في كتاب الله وتذكره بالدليل؟ Quel est le verset le plus grand, lourd en sens dans le Coran? Quel est le verset le plus important ou le plus grand du Coran? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fil Fatiha. Asma. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. أو إهدنا صراط المستقيم. الله أعلم. أحسنت وسام. Le verset le plus important du Coran. Déjà, est-ce que il y a une différence de versets? C'est-à-dire, tous les versets sont importants. Allez, Sakadalek, tous les versets du Coran, ils sont importants. Mais est-ce qu'il y a une préférence de versets entre les versets? Est-ce qu'on peut faire une préférence entre les versets? Hadi Mas'ala. Est-ce qu'on peut faire une préférence entre les versets? Yani, on dit que ce verset-là, il est meilleur que. Par exemple. Voilà, une comparaison. Maintenant, Ayat Deyn. Le verset qui concerne l'endettement, le plus long verset du Coran, il n'est peut-être pas comme les versets qui concernent la bataille. Tamam? Des versets ont plus de force, ils sont plus complets. Mm-hmm. Il y a des versets qui sont plus complets. Naam. Donc on peut faire cette différence-là. Pourquoi? Parce que le prophète lui-même l'a fait. كما جاء في أي حديث أبي بن كعب فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أي آية من آيات الله أو أي آية من كتاب الله معك أعظم quel est le verset que tu mémorises du livre d'Allah, à savoir que Ubay ibn Ka'b il fait partie des Hufad, des gens qui ont retenu le Coran de la bouche du prophète alayhi salatu wasalam. Donc le prophète il lui demande quel est le verset du Coran que tu mémorises qui est pour toi le plus grand. Faqala Allah wa rasuluhu a'lam. Il a répondu Allah et son messager est plus savant. Ensuite le prophète alayhi salatu wasalam il lui a répété la question. Faqala نعم وماذا أجاب قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم أي آية الكرسي donc le verset du trône par rapport à ce hadith là c'est la preuve وهو حديث رواه من مسلم فهو حديث صحيح. Le prophète il demande quel est le verset le plus important du Coran, le plus grand du Coran. Le sahabi lui répond le verset du trône. Et le prophète alayhi salatu wasalam d'acquiescer et de dire la yahnik al-ilm ya Aba al-Mundhir, qu'Allah te rajoute dans ta science ya Aba al-Mundhir. نعم. فلعل شيخ العثيمين بدأ بذكر هذه الآية لعظمته. li azamati. Et il se peut que Cheikh Al-Athaymeen il ait commencé par ce verset-là en vue de son importance. Donc tout ce qui se trouve dans ce verset, tout ce qui est évoqué comme parole dans ce verset, Cheikh Al-Athaymeen te dit, on y croit. On croit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui mérite d'être adoré et qu'il est le vivant, celui qui subsiste par lui-même et tout ce qui est évoqué dans ce verset. ثم قال ونؤمن بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Et on croit également, et ça c'est fort de Cheikh Al-Uthaymeen, c'est un usloub qui est qawi, c'est-à-dire il dit pas قال الله. نؤمن بأنه الله لا إله إلا هو. C'est-à-dire, il rentre directement avec le verset, mais sans te préciser que c'est la parole d'Allah. Sans te préciser que c'est la parole d'Allah. C'est pour te faire comprendre encore plus que là, c'est comme si, yani, c'est dans son cœur. C'est comme si c'est sa parole à lui. C'est comme si c'est sa croyance à lui. Fahim Tom ? Ça veut nous montrer encore plus son accrochement au Coran. Et au livre d'Allah Azza wa Jal. Non. Donc, il dit, et on croit aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a de divinité nulle digne d'adoration. En dehors de lui. C'est lui le connaisseur du visible et de l'invisible. De l'invisible et du visible. C'est lui le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Hu Allah, alladhi la ilaha illa hu. Al-Malik al-Quddus. C'est lui, Allah. Nulle divinité en dehors de lui. Al-Malik, le souverain. Al-Quddus. Ah, Al-Quddus. Al-Quddus. Ouais. Allah alam. Ma ma'na Al-Quddus. Allah, on dit, c'est le souverain. Al-Malik. Ou Al-Quddus. Ma ma'na Al-Quddus. أيوة تنزيه الله من كل نقص فبمعنى en français comment on le dirait donc comment c'est quel nom qu'on lui attribuerait en français le parfait nom ah le vocabulaire manque ah. Une chose qui est purifiée de tout défaut on dit pur, tamam, le pur, فهو الله عز وجل, القدوس, le pur, نعم, القدوس, السلام, المؤمن, المهيمن, السلام, le saint, المؤمن, le croyant, ou celui qui rassure, le croyant, المؤمن, كيف on croit Allah, en quoi Allah subhanahu wa ta'ala il croit. Si on dit parmi les noms d'Allah, al-mu'min, le croyant. En quoi Allah subhanahu wa ta'ala il croit, ikhwan? Ah, عندك يا عثمان. Tu crois pas que ça veut dire croyant ici? Ça y est, parce que plusieurs exégètes, ils le traduisent par celui qui sécurise. Celui qui sécurise. Mais tu peux le laisser dans son sens apparent en tant que croyant. Croyant en quoi? Hein? Croyant? Yani, bima'na at-tasdiq li rusul. C'est-à-dire, il rend véridique. Il croit, il rend véridique les propos de ses messagers. Il croit, il rend véridique les propos de ses messagers, comme l'a évoqué dans son tafsir, Cheikh l'imam Sa'di, l'imam Sa'di. On peut dire qu'il rend véridique ses propos à lui-même. Ses propos à lui-même. نعم نعم نعم نعم فالله سبحانه وتعالى نحن نؤمن أنه الملك القدس القدوس السلام السلام عفوا السلام المؤمن المهيمن المهيمن يا إخوان عزيز المهيمن ها عثمان عثمان المهيمن لا لابد يا إخوان لابد لابد لو كنت أعرف أن أسماء الله غير معروفة لدي الكثير لفتحنا درسا فيها وقدر الله ما شاء فعل. Si je savais que bon nombre d'entre nous on manque de connaissances dans les noms et les attributs d'Allah, j'aurais choisi un livre propre aux noms et aux attributs d'Allah Azzawajal. Les Iwam al-Amr. Car c'est une chose très très importante que de connaître les noms d'Allah Azzawajal et ce qu'il recèle comme sens. Non. فالمهيمن يا أخانا العرب المهيمن يا إخوان بريزيرف برسك سي لو بريدومينون المهيمن سي لو بريدومينون celui qui domine toute chose celui qui domine toute chose العزيز الجبار المتكبر Al-Aziz, le puissant, le tout-puissant. Al-Jabbar, le contraignant. Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir. Ah. Mahfouz. Al-Mutakabbir. Allah subhanahu wa ta'ala samma nafsa bi-annahu mutakabbir. Le plus haut. Mutakabbir, ya Ismaïl. Hey, na'am. L'orgueilleux. Enfin, c'est pourquoi l'orgueilleux, pour Allah, azzawajal, c'est une bonne chose. Mais pas pour ses créatures. Il mérite d'être orgueilleux. Il mérite. Amma ghayro. Fala. Parce qu'il a besoin de personne. Il a besoin de personne. Al-Hayyu al-Qayyum. Celui qui subsiste par lui-même. Et c'est pourquoi il dit dans un hadith Al-Kibriya al-Ridae. L'orgueil, c'est mon vêtement. Man naza'ani qasamtu. Et celui qui essaye de me disputer ce vêtement-là, je le brise en deux. Je le brise en deux. Na'am. Donc, Cheikh Al-Uthaymi, il nous dit là que nous croyons en ces noms évoqués dans cette sourate, dans ce passage. D'ailleurs, les noms continuent. Qala, Subhanallah, Subhanallah, amma yushrikun, huwa Allahu al-Khaliq al-Bari, al-Musawwir, al-Khaliq, ma'ruf, le créateur. المصور يا لي او الباري الباري الباري الباري لا ليس من البراء الباري Aïwa, Aïwa, Hassan, tu es Ismaïl, tu peux lever ta voix quand tu. C'est celui qui crée sans exemple précédent. Celui qui donne un début à toute chose. Hada huwa al-bari. Wa al-musawwir. Celui qui façonne. Celui qui façonne. Na'am. Lahu al-asma'ul husna yusabbihu lahu ma fi as-samawati wal ard. وهو العزيز الحكيم يا إخوان القرآن عظيم le Coran c'est vraiment un miracle incroyable. Quelques versets, en quelques versets, pour celui qui comprend bien, sa foi elle monte. Sa foi elle monte. Juste en lisant quelques versets du Coran, comme les versets que nous venons de citer. وَنَكْتَفِي بِهَذَا الْقَدْرِ وَسُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ